Ah, je vais le secouer. Ouais, vas-y, secouer. Allez, va demain, va. Allez, va, ciao, allez, va. Va. Va doucement, hein. Oh, t'inquiète, va. Oh, putain. Je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. J'avais un bandeau sur la tête et les jambes qui me faisaient mal. Tout le monde s'agitait autour de moi, mais moi je ne savais pas ce que je faisais là. C'est la fin de ta vie. On t'avait prévenu, mais toi t'y as pas compris. Non, c'est la fin de ta vie. Faut te rendre à l'évidence, mec, pour toi c'est fini. Seigneur, écoutez ma détresse. C'est vrai que j'ai peur d'aller là-haut. C'est vrai que je serre les fesses. Mais j'avais rendez-vous au café tout à l'heure. Alors je vous en supplie, laissez-moi un petit quart d'heure. C'est la fin de ta vie. On t'avait prévenu, mais toi t'y as pas compris. Non, c'est la fin de ta vie. Faut te rendre à l'évidence, mec, pour toi c'est fini. C'est fini. Seigneur, écoutez ma détresse. Vous allez plonger mes enfants et ma femme dans le stress. Oh mon Dieu, je les imagine tous en pleurs. Tu disais pourtant pas ça y a encore une demi-heure. C'est la fin de ta vie. On t'avait prévenu, mais toi t'y as pas compris. Non, c'est la fin de ta vie. Faut te rendre à l'évidence, mec, t'as bu et t'as conduit. Il a pris la gueule dans la fille éclatée.